Combien est-ce qu'on divise tout ça? Donc déjà, on fait notre tableau. C'est possible ou pas ça? Qu'il y a un cas comme ça? Attendez, combien on aura des pauses? Un huitième. Alors un huitième, pourquoi? Qui est défini? Les filles se partagent les deux tiers, non? Les filles se partagent les deux tiers. Elles se partagent les deux tiers. C'est ça. Quoi? Ils sont plus de deux. Elles sont plus de deux, donc elles se partagent les deux tiers. La mère? Un sixième. Alors un sixième, pourquoi? Et les enfants, et donc Rassemble. Aura le reste. Ouais. C'est parti de Rassemble, aura le reste. Et la Rassemble, souvent, ils le décrivent avec un rin. On aura. Comme Rassé. Le nombre de parts ici, c'est combien? 4, 16, 24, 6, 48, 6, 24. On a un huitième, le deux tiers, on ne va pas le prendre en compte, on a un huitième et un sixième. Les deux sont-ils multiples de deux? Ouais. Est-ce que l'un est multiple de l'autre? Non. Je multiplie par le 48. Donc, je multiplie par la moitié de l'autre. Donc, je fais 6 fois 4, ou bien je fais 8 fois 3. Ça fait 24. Donc là, j'ai 24 parts. Dans les 24 parts, la femme, l'épouse aura combien? 3. Les filles? 8 par 3. 8 par. Non? Combien aura 16. Pourquoi 16? 8 fois 2. Non? 8 fois 2. Ouais. T'as 16 parts. 2 tiers, c'est 24e. 2 tiers, ça fait 16, 24e. D'accord, donc 16, ça fait 3. Vous avez compris ou pas? Pourquoi? Parce que c'est les 2 tiers. 8 fois 3, ça fait le dominateur. C'est 24. Donc 8 fois 2, 16. Ça fait 2 tiers de 24. Ça fait 16. C'est la mère? 4. On aura 4. Et le reste? Combien? Oui. 16. Est-ce que c'est divisé par 3? Il y a 3 filles. Non. Donc, on multiplie par nombre de têtes. Ici, il y a 1, 2, 3. Donc, on multiplie par 3. 3 fois 24, ça fait 38. 72. Ça fait 72. Combien aura la mère? 9 pas. 9. 48 par 48. Donc 16 pour chaque personne. Ça fera 16 pour chaque fille. 16 pour chaque personne. 16, 72. 16. Ah, tu me dis pas de ça. 16. Plus 16. La mère? 12. On en aura 12. Et 3. Et 3. Et 11. On en aura 3. Ça fait combien en euros tout ça? Tu divises par 72, tu multiplies par nombre de parts, divisé par 72. 280 000 divisé par 72, multiplié par 9, ça fait combien pour l'épouse? Prenez, si vous avez quelques prises, prenez. Ça fait 4. Ça fait 24. C'est un chiffre avérié quand même. Ça fait 4. Un huitième de 280 directement. 4000 euros la part. Un huitième de 280. 280 divisé par 72, ça fait combien la part? Ça fait 4. C'est ça, voilà. Ça fait 4000 la part. Ouais. C'est ça? Donc 9 fois 4, ça fait 36 000. D'accord? 16 fois 4, ça fait combien? 64. 64 000 pour chacune des filles.

Cinquième exemple, où un défunt laisse une somme de 23 000 euros dont 1 000 euros de dette et 1 000 euros c'est-à-dire il a voulu donner 1 000 euros à une personne qui ne fait pas partie des héritiers. Il laisse derrière lui une sœur. Ça ne coûte rien, c'est funérail. Germaine. C'est l'exemple que j'ai donné. D'accord. C'est déduit des funérailles. On va dire qu'ici, les funérailles, c'est quelqu'un d'autre qui a voulu les payer. La sœur consanguine, un autre frère utérin, un autre frère vétéran et une mère. Comment on définit tout ça? La mère apprend un quart. Un quart? Pourquoi? Il n'y a pas d'enfant. C'est pas la femme. Ah, c'est la mère. On prend un sixième. Très bien. Ensuite, la sœur, combien est-ce qu'elle prend? La sœur Germaine? Un demi. Un demi, pourquoi? Parce qu'elle est toute seule. Il n'y a pas d'autre sœur Germaine. Il n'y a pas d'autre sœur Germaine. Parce qu'il y a la sœur consanguine. La moitié, et elle a le sixième. Le sixième. La mère, elle ne prend pas deux tiers, hein, il n'y a pas d'enfant. Mais pourquoi dans la masse, dit pour compléter à deux tiers? C'est sûr que je ne comprends pas. Pourquoi? Tu prends 2 plus 1 sixième, ça fait 2 tiers. 1 demi plus 1 sixième, ça fait combien? 2 tiers. C'est 2 tiers. Voilà. C'est pour ça. 1 sixième, et comment t'expliques ce 1 sixième? Parce que c'est le complément de 2 tiers. Avec le demi. Pourquoi ici la mère a 1 sixième? On est les deux mois. Pourquoi il y a la sœur Germaine considérée comme la fille? Ici, il y a un groupe de frères. Ouais. Et ça peut être aussi un groupe de sœurs. Ici, il y a un groupe de frères utérins. Et lorsqu'il y a un groupe de frères, que ce soit des frères utérins, germains ou consanguins, la mère n'a plus le tiers, mais le sixième. Et si c'est un mélange de frères et de sœurs? Pareil. J'aime le minat ikhwa. Ikhwa, c'est-à-dire frères et sœurs. Ou frères ou sœurs mélangés. Ça peut être deux frères, une sœur, deux sœurs, un frère. D'accord. C'est lequel? Et les frères, ils ont combien? Un tiers. Pourquoi ils ont un tiers? C'est lequel? Pourquoi ils ont? C'est pas la raison. Combien ont ces trois frères du terrain? C'est-à-dire qu'ils ont la même mère. Déjà, est-ce qu'ils ont le droit d'hériter, sachant que c'est leur mère qui est le lien entre eux et les deux? C'est l'exception. C'est l'exception. Donc ici, les frères vétérans, c'est l'exception. Combien est-ce qu'ils ont? On a dit un tiers. Pourquoi est-ce qu'ils ont un tiers? On avait dit quoi la condition pour que les frères vétérans héritent? Il faut que le défunt qu'il soit double, c'est ça? Hein? Qu'il soit double. Est-ce qu'il n'y a pas de... Là, il n'y a pas les frères et sœurs. Le défunt n'a pas de descendance. Ouais, et ici, les frères du terrain, lorsqu'ils sont plusieurs, ils ont le droit au tiers. S'ils étaient un... S'il n'y en avait qu'un, il aurait eu le sixième. À partir du moment où ils sont deux ou plus, ils ont le tiers. Très bien. Combien ça fait ça

Bien sûr, Germaine. La fille a la moitié parce qu'elle est seule. La sœur Germaine, la sœur. Non, tu avais le mari. Non, il y avait le mari, non, c'est pas vrai. Non, même s'il n'y a pas le mari. Même s'il n'y a pas le mari, on peut pas prendre ça. Un demi aussi. Elle a un demi. Et elle a un demi. Ça complète les deux tiers. Ouais. Bah, deux tiers. C'est un tiers plus. Un sixième plus un demi. Deux tiers, c'est égal à 4 sixièmes. Ouais. D'accord. C'est pas un demi. D'accord, c'est 4 sixièmes. Elle, elle a un demi. Un demi, ça fait combien? Ça fait 3 sixièmes. D'accord. Et elle, elle a un sixième pour compléter les deux tiers. Les deux tiers, c'est 4 sixièmes. Elle, elle a déjà pris 3 sixièmes. Qu'est-ce qu'il faut pour compléter les deux tiers? 3 sixièmes. 3 sixièmes. Et elle, elle a bien la moitié. Et elle aussi, elle a bien la moitié. Et elle, le sixième. Et on doit se débrouiller pour leur donner à chacune leur part, sachant que là, moitié plus moitié, ça fait le total. Donc là, on va être obligé de, d'enlever une partie de la moitié de la fille, ça une partie. Pas, hein? Ça marche pas. Parce qu'il y a la fille. La fille, elle ne fait pas le plus de sur la sœur, Germain? Non. La fille ne fait pas le plus sur la sœur, Germain. Dans le cas de tout à l'heure. La sœur Germaine. Non, sœur Germaine ne cache pas la responsabilité. Dans le cas tout à l'heure, la sœur Germaine n'avait pas touché les étages sur. Oui, parce qu'en fait, oui. C'est pas parce que le fils cache le frère que la sœur forcément cache la. Que la fille cache la sœur. En fait, la sœur, la fille, il y a un seul cas que la fille cache, la fille, elle cache la sœur utérine. La fille, elle cache la sœur utérine, mais elle cache pas la sœur ni germaine, ni consanguine. Pourquoi elle cache la sœur utérine? Pourquoi elle la cache? Si elle la cache, hein. وإن من الإنهالات ليس له ولد وله أخت فلها النصف. Donc s'il y a des enfants, il n'aura pas النصف. Comment? Dans le verset là. Ouais. وإن من الإنهالات ليس له ولد وله أخت فلها النصف. Mais ça, on a dit que c'est l'Ikhwa Lifoum. C'est la sœur utérine. Ça, c'est dit, elle cache la sœur utérine. Parce qu'il y a un Farawarif qui est la fille. Dans ce verset, on a dit le Dijmer que c'était les sœurs, ici les sœurs et les frères utérins, pas les sœurs consanguins. Est-ce que vous parlez d'Urt et Shakira? Non? Parce que là, il ramène à Urt et Shakira ou à Urt et Léa, il ramène ce verset là. Comment ça? Dans le test. Il ne dit pas que la fille. Il ne dit pas que ça cache. Il ne dit pas que la fille est un hajj pour les deux. Ouais, mais bon, ça. Donc la propre est en gros, on passe de 6 à 7. Bah, tu passes de 6 à 7 et tu donnes. Normal. Et tu multiplies par le nombre de têtes. Donc ça fait 14, donc ça fait. Attends, donc là on a 10. 3 têtes. 3. 3, 1. Ça fait 7. Non, mais c'est bon, c'est ça le partage. Quoi, tu multiplies par 3. Pourquoi on multiplie par 3? Pourquoi on multiplie par 3? Il n'y en a qu'une sœur ici. Pour avoir la bonne part. Bien. Après, c'est quoi la part de chaque? Non, après ça fait 3. Ah, tu divises par ça, tu fais 3 de 3. 3 de 3 et 1 de 7. Et s'il y avait ici plusieurs sœurs consanguines, qu'on aurait fait, qu'on aurait multiplié. Et là, vu qu'il n'y a qu'une tête, tu multiplies 1 par 7, c'était 7. Et si c'était 2 sœurs, tu aurais fait 14. Tu aurais fait 14. 14, après 6, 6. Tu aurais fait 6, 6. 6, 6. Et 1 avec un deuxième sœur. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Ouais. C'est bon ? On va s'arrêter ici, je pense qu'on va pas faire un cours d'arcade aujourd'hui.